Je suis tombé sur Legrand. Au collège, Legrand était d'une classe au-dessous de la mienne. Et je suis censé le préparer au baccalauréat. La physionomie de la maison change tout à coup. J'ai oublié qu'il y avait au pays jadis une créature qui m'aimait. Bonne mademoiselle Balandreau. On a appris, je ne sais comment, à la maison, qu'elle est depuis longtemps souffrante et paralysée, ne pouvant écrire, mais qu'elle parle de Jacques et qu'elle a fait venir le notaire pour lui annoncer qu'elle voulait, quand elle mourrait, laisser au petit Vintras ce qu'elle avait. Toujours est-il qu'on connaît à la maison, sans m'en rien dire, la maladie et le vœu de mademoiselle Balandreau. Et voilà pourquoi on me ménage maintenant. Tu te rappelles mademoiselle Balandreau? Morte? Elle est morte? Oui, mais elle te fait son héritier. Elle te laisse 30 000 francs et son mobilier. Ma mère reprend. Mais tu es mineur. Pourquoi n'ai-je pas 21 ans? Avec ces 13 000 francs, je retournerai à Paris. On aurait de quoi acheter des armes pour un complot. Il m'en passe des rêves par la tête. J'ai pleuré toute la journée comme un enfant. 10 heures, 5 minutes, 7 juin. J'ai ma liberté. J'ai le droit de quitter le quai Richebourg, de lâcher Nantes, de filer sur Paris. Je l'ai payé, ce droit. Il est à moi. On me l'a vendu. Mon père gardera l'argent de la succession, mais me servira 40 francs par mois, plus 500 francs d'un coup pour m'habiller et m'installer à Paris. J'oubliais. On m'assurera pour un billet de 1 000 ou 1 500 francs contre la conscription. J'ai passé avec eux la dernière soirée. Je vous paie le spectacle, voulez-vous? Nous sommes allés au théâtre. Il me semblait que c'était moi le père et que je conduisais de grands enfants qui m'avaient sans doute fait souffrir, mais qui m'aimaient bien tout de même.